Restez avec nous, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez une belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La relation entre la Corée du Nord et du Sud ont franchi une nouvelle étape. Je crois que c'est l'affrontement le plus important de la guerre froide. Elle a vu ce qui s'est passé en Chine dans les années 1840. Cette semaine, la Corée. Elle a vu ce qui s'est passé au Japon une génération après, dans les années plutôt 1860. Du déchirement au face-à-face. La Corée a été divisée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Un même nom pour deux pays. Le nom de Pyongyang n'apparaît pas aux côtés de Séoul sur le logo olympique. Ici, c'est ni le communisme, ni autre chose, c'est le Kim Il-sungisme. Les Américains n'ont pas su gérer un pays qui avait 5000 ans d'histoire. Cela peut paraître curieux, mais en Corée du Nord, les formations en tourisme jouissent d'une réelle popularité. Ils vivent aussi sur un système de caste. Les femmes coréennes sont la force. C'est le modèle. C'est l'endroit où on voudrait habiter. Et même, je dirais, la compétitivité de la Corée. Notre épisode est aujourd'hui intitulé « La suppression du pointillé ». Février 45, au bord de la mer Noire, en Crimée, Yalta. Concernant la Corée, voilà ce qui est finalement entériné à Yalta. La colonie japonaise devra devenir indépendante au bout d'un certain temps. Ce certain temps trouvera son terme quelques mois après Yalta, avec l'explosion de deux villes inconnues jusque-là, Hiroshima et Nagasaki. Pendant que le Japon fait le compte de ses irradiés, la Corée s'apprête à connaître le virage de la décolonisation. D'un mètre, elle en récupère deux. L'Union soviétique occupe le nord de la Corée, les États-Unis contrôlent le sud. Laurent Kisfit. Chacun a développé son mode de gestion locale et en Corée du Nord, très vite, on a établi la réforme agraire, la distribution des terres, la confiscation des biens mal acquis pendant la colonisation et la chasse aux collaborationnistes pro-japonais. Puis on a installé un système à la soviétique avec des personnalités plutôt à gauche. Au sud, au contraire, les Américains ont privilégié les techniciens qui étaient dans l'administration ou l'industrie japonaise. La police n'a pas été nettoyée de ces éléments pro-japonais et un certain nombre de pratiques ont continué. D'autre part, les Américains se sont fait détester par leur soutien au milieu conservateur et par leur politique agricole qui a totalement libéralisé d'abord le marché des céréales, par exemple, pour ensuite le refermer beaucoup plus brutalement, de manière pire encore que sous la domination japonaise. Les paysans, très vite, ont été ruinés. Ou sont passés à la contrebande avec le Japon qui, justement, était privé des approvisionnements de riz provenance de Corée. Et tout ça a fait que, dans la région de Daegu, par exemple, il y a eu d'énormes manifestations très violentes contre les riches propriétaires terriens ou certains administrateurs. Émeutes qui ont été réprimées dans le sang. Et puis, par ailleurs, la division entraîne la fermeture totale d'une frontière qui n'est pas une frontière de barbelés, hein, qui est matérialisée par quelques postes de garde, des miradors d'observation, des sentinelles qui parfois tirent à vue, mais qui n'est pas fermée, qui n'est pas minée, hein, et qui est le lieu de passage nocturne de beaucoup de réfugiés. Mais surtout, cette frontière isole le nord industriel du sud agricole principalement, et l'industrie légère du sud, de l'industrie lourde et des matières premières du nord. Ce qui fait que, avec en plus la fermeture des liaisons avec le Japon, ou peu s'en faut, la grande île du sud à Jeju-do n'a plus de pétrole pour les lampes, n'a plus d'essence pour les moteurs des bateaux, n'a plus certains débouchés agricoles. Et puis, il y a les réfugiés coréens qui avaient été dans les terres agricoles défrichées en Mandchourie, qui reviennent, et d'autres qui sont chassés du Japon. Donc on a une crise économique très forte, un ressentiment très fort, et encore ces pratiques répressives de la police, qui n'hésitent pas souvent à tirer en l'air, mais avec des accidents. Et à chaque fois qu'un passant ou un manifestant est tué, il y a des manifestations plus violentes qui sont entraînées, et le mécanisme se poursuit jusqu'à ce qu'on ait des incidents majeurs. Aucun doute, la fièvre est bel et bien montée autour du 38e parallèle. Mouvement de troupes, signalé autour de la frontière, la Commission des Nations Unies donne à plusieurs reprises l'alerte d'une guerre civile imminente. Donc finalement, fin 1947, les Américains ont décidé de porter l'affaire devant l'ONU. Une commission mixte de l'ONU a été envoyée en Corée, qui a commencé à prendre des contacts, qui a essayé d'aller au nord, mais qui n'a pas pu franchir la frontière. Et on s'est acheminé vers une fermeture totale des négociations. Ce qui fait que les Américains ont décidé d'organiser des élections. Les Soviétiques ont refusé. Et les élections n'ont eu lieu qu'au sud. À l'aube du dimanche 25 juin 1950, une force d'invasion de la République populaire démocratique de Corée franchit le 38e parallèle pour pénétrer en République de Corée. But officiel de cette opération, la suppression du pointillé, autrement dit, du 38e parallèle. Cette force d'invasion de la Corée du Nord ne fait rien moins que déclencher la guerre de Corée. Korea is a small country. La Corée est un petit pays très loin du nôtre. Mais ce qui s'y passe est très important pour chaque Américain. Le dimanche 25 juin, les troupes communistes de la Corée du Nord ont attaqué la République de Corée. Cette attaque prouve, sans aucun doute, que le mouvement communiste international est prêt à se servir de l'invasion par la force pour conquérir des pays indépendants. Un acte d'agression comme celui-ci est une menace sérieuse pour la sécurité de toute nation indépendante. 1950. Voilà 5 ans que l'Allemagne a capitulé, 5 petites années. Et déjà le monde est de nouveau en ébullition. Car l'amorce de ce conflit coréen, aussi éloigné soit-il, est loin de laisser les grandes puissances indifférentes. C'est en fait la première attaque ouvertement lancée depuis la fondation des Nations Unies. Celles-ci ont donc entre les mains l'opportunité sinistre pouvant leur permettre de prouver leur valeur, leur crédibilité. Il faut se débarrasser du spectre de la société des nations. La réaction internationale a donc la rapidité de l'éclair. L'après-midi même de l'attaque, réunion des Nations Unies. Déclaration qui suit, l'invasion effectuée le 25 juin par les troupes nord-coréennes rompt la paix. On décide d'une coalition. 16 pays membres se déclarent volontaires. La Corée du Nord ne recule pas devant cette menace. Au contraire, elle renforce le pilonnage des forces sud-coréennes, ou plutôt leur absence totale, et fonce vers le sud. Un dimanche matin, le 25 juin 1950, à ce moment-là, intervient l'armée nord-coréenne qui a été armée, équipée par les Russes, qui est une très bonne armée, bien entraînée, envahit la Corée et arrive au bord de Séoul. En face, il n'y a rien. Jean Lartégui, ancien lieutenant de l'armée française. Il y a toute petite force de police coréenne, sud-coréenne, qui ne tient pas, il n'y a pas, et qui s'enfuit, enfin qui est massacré ou qui s'enfuit. À ce moment-là, c'est la panique. Il y a au Japon, il n'y a pas de soldats. Il y a très peu de soldats au Japon. Il y a les restes d'une armée d'occupation de MacArthur. MacArthur règne en shogun, mais il a très peu de troupes avec lui. Et là, on va ramasser n'importe qui pour la contre-attaque. On va ramasser des plantons, on va ramasser des radiotélégraphistes, n'importe qui. Et on les envoie à toute vitesse en Corée, au seul endroit qui reste, la petite poche de Pusan. Three nations must be on their guard. Pour régler ce différend, Harry Truman s'en remet au général MacArthur et le tire de sa retraite de shogun au Japon. On mobilise ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire peu de choses, une force d'intervention baptisée Smith, du Japon. Celle-ci s'envole peu après pour la Corée. J'ai reçu mes munitions et tout de suite après, nous étions en formation avec paquetage, casque, fusil et tout l'armement de combat. Nous avons sauté sur la plateforme d'un camion de 2 tonnes où un prêtre nous a rejoints. Et il nous a demandé, y a-t-il des catholiques parmi vous? Et naturellement, je lui ai dit, oui, moi. Il a répliqué, bien, je vais vous bénir, car je n'aurai peut-être pas l'occasion de vous revoir. Je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Une petite armée de 400 hommes, quelques courtes semaines d'entraînement, les Américains se lancent à l'assaut, mais vont aussitôt perdre. Perdre et reculer. Reculer jusqu'à être dos à la mer. Face à eux, l'extrême sud-est de la Corée, dans la poche de Pusan. Joe Langone, ancien de la division Smith. On nous avait limité à 25 obus, 25 salves par canon et par jour. Et un 105 peut aisément tirer ses 25 salves en 5 minutes. Lorsque j'ai pris les camions de munitions pour me rendre au dépôt, j'aurais pu avoir toutes les munitions que je voulais. Car ils évacuaient l'entrepôt pour y placer des charges explosives au cas où les Nord-Coréens auraient percé nos défenses. Car à ce moment-là, notre position était des plus précaires. À Washington, où le Conseil de défense nationale a été réuni d'urgence, personne ne songe à minimiser la gravité des événements. Le général Marshall l'a dit hier, nous nous trouvons en face de la crise la plus sérieuse depuis la veille de la dernière guerre mondiale. Le président Truman, M. Hutchison, le Congrès, réuni depuis lundi, confère fiévreusement, il est à nouveau fortement question de mettre toute l'économie américaine sur pied de guerre et de hâter la mobilisation des hommes et même d'utiliser les armes stratégiques. On n'en est pas encore là. Pour le moment, les jeunes Américains, 6 ans après leurs aînés, font eux aussi leur pactage. Direction la Corée. Avec eux, c'est toute la machine de guerre américaine qui se rend sur ce nouveau terrain d'hostilité. Jean Lartigue. À ce moment-là, on croyait vraiment que l'ONU avait le droit d'intervenir, que l'ONU avait le droit de remettre en ordre le monde, qu'un pays qui en attaquait un autre, c'est le cas de la Corée du Nord avec la Corée du Sud, devait être sanctionné. François de Castries, soldat français, appartenant aux forces des Nations Unies pendant la guerre de Corée. C'était la première fois que la France était engagée sous la bannière de l'ONU. Le bataillon a été intégré à un régiment américain qui nous a accueillis avec vraiment une chaleur absolument extraordinaire. Les seules difficultés que nous avons connues au départ étaient un problème linguistique, mais qui devait se résoudre assez rapidement, d'une part parce qu'un certain nombre d'officiers parlaient américain, et d'autre part que, ben mon Dieu, les hommes de troupes très rapidement ont fini par se comprendre. Vous savez, la combinaison du geste et de la bonne volonté supplée à beaucoup de choses. Début septembre 50, les Nord-Coréens sont à un cheveu de la victoire. En 2 semaines, toute la situation s'inverse. Les raids aériens font exploser les lignes arrières de ravitaillement nord-coréennes. Coupés de cette base, ceux-ci remontent vers le nord. La défaite totale a été évitée, mais la guerre de Corée n'en est qu'à son tout début. Côté américain, le général MacArthur a un plan. Jean Lartigue. Toute la machine de guerre américaine se remet en route. Et on remobilise les anciens de la guerre du Pacifique. On remobilise les étudiants. Et avec cette troupe qui lui est donnée, MacArthur, qui avait le sens des débarquements, qui n'avait fait que des débarquements, sa guerre du Pacifique, il l'a gagnée par des débarquements, par des bonds d'île en île. Il fait à ce moment-là ce fameux débarquement à Incheon. Par une nuit noire de pleine lune, la troupe progresse le long du chenal du poisson volant. Tout feu éteint. Le chenal est étroit, soumis à des courants violents. Les dragueurs sont devant, ils frayent un chemin entre les îlots. À 5h20, tout le monde est au poste de combat. La force d'assaut amphibie pénètre dans les passes d'Incheon. Début du bombardement. Les canons des destroyers. Puis ceux des croiseurs. Enfin les navires de ligne qui tirent depuis le large. Les avions d'assaut, les cols des porte-avions. Je pense que le débarquement d'Incheon a été la phase essentielle de la guerre de Corée. François de Castries. Il faut bien voir la situation à cette époque-là. Le corps expéditionnaire était bloqué dans le réduit de Busan et le général MacArthur a eu l'audace de regrouper les troupes qui venaient d'évacuer de la région des réservoirs, de les renforcer légèrement et d'aller débarquer à 200 km au nord, coupant ainsi les Nord-Coréens de leur base arrière et les faisant littéralement se fondre dans la nature. 6h30, sous les yeux de MacArthur, le synchronisme de tous les éléments qui composent l'attaque se révèle parfaitement réglé et les premières troupes quittent l'armada comme prévu. Sans arrêt, des canons de marine établissent un véritable rideau de feu protégeant les troupes assaillantes. Dans l'île de Volmi, face à la côte, les premiers éléments débarqués ne rencontrent que quelques défenseurs épuisés. et les vagues d'assaut qui constituent le gros des forces de débarquement pourront à leur tour se diriger vers la terre. Immeubles en ruine, murs calcinés, c'est Incheon. Tandis que sur tout le front du réduit, les troupes alliées attaquent, les Marines et les unités de débarquement débordent Incheon. La route de Séoul, capitale traditionnelle de la Corée, est ouverte. Le général MacArthur pouvait alors adresser à ses troupes son message laconique « Bien joué !» Laurent Kissfit. On arrive en septembre, reprise de Séoul. Fin septembre, Séoul est libéré et les troupes alliées sont sur la frontière. Et puis, le 5 octobre, des troupes coréennes, sud-coréennes, franchissent en direction du nord. Le 7, ce sont les Américains, en reconsidérant et en réinterprétant les décisions de l'ONU, mais les troupes américaines foncent vers le nord. Courant octobre, Pyongyang est prise et à la fin du mois, les avant-gardes s'approchent du Yalu et de l'Amnokan. Frontière avec la Chine et l'URSS. Alors que en octobre, vers le 25 octobre, déjà on a eu vent et on a capturé des prisonniers chinois, MacArthur se dit « je tiens la bête, il faut en finir » et il relance une nouvelle offensive qui va, malgré ce qu'on sait, des concentrations de troupes chinoises de l'autre côté de la frontière, buter sur une descente de troupes. Certains disaient 30 000 Chinois, ils sont 300 000, bientôt 400 000, bientôt 500 000. Et en fait, il y a un demi-million de Chinois qui est en train de descendre. Et avec le général Hiver en même temps. Finalement, presque plus que la guerre, ce sont les conditions physiques qui ont été très dures en Corée, presque plus. Robert André Vivien, futur député, alors jeune soldat engagé auprès des forces françaises enrôlé par les Nations Unies. Le froid présent, le froid permanent. Moins 30, moins 40. Reprenez le combat de 1037, vous voyez les camarades qui montent à l'assaut qui sont blessés. Être blessé par moins 30 ou moins 35, c'est pas être blessé par 18 degrés. Mais nous avions, pour nous, la chance d'avoir un matériel américain nous isolant un peu du froid, malgré tout. Lorsque vous redescendez à moins 15, vous avez l'impression de mourir de chaleur. Mais vous aviez également la lourdeur et la touffeur à certains moments. Alors la pluie, les conditions climatiques l'hiver ou la chaleur l'été, les conditions d'isolement et le fait que, au point de vue combat, baroud proprement dit, c'est une suite de pitons. Cela fait déjà plusieurs jours que le général MacArthur transmet ses rapports à Washington. Il affirme, il est sûr, il n'y aura pas de réaction chinoise. Personne n'a vu ces combattants. Aucune reconnaissance aérienne n'a été en mesure de détecter l'arrivée nocturne de ces milliers de soldats. Ils ont emprunté les chemins les plus enfouis, mais ils sont désormais là. Pour les Nations Unies, l'heure du cauchemar a désormais sonné. Un combattant chinois. Je peux tout vous dire au sujet de la tactique de la vague humaine qu'en Chine nous appelons marée humaine. La plupart des étrangers ne peuvent pas comprendre comment ça fonctionne, mais la manière dont ça marchait était que si les communistes décidaient par exemple qu'ils voulaient que vous fassiez une certaine chose, atteindre un certain but, comme de prendre une montagne, ils s'en empareraient, quel que soit le coût en vie humaine. L'attaque chinoise, enfin les attaques chinoises, c'est un... C'est inqualifiable, quoi. C'est je crois que nous avons eu 16 ou 17 vagues. Vous détruisez la première vague, et puis d'un seul coup, ça ressort, et puis ça continue, et puis derrière, il y en a toujours. À la fin, les munitions, on n'a plus le temps d'approvisionner, les canons sont rouges, et puis on est submergé, quoi. Une à une, toutes les forces alliées subissent les assauts répétés des Chinois. On s'enfonce dans le calendrier. Il n'y a plus que le froid, devenu l'ennemi numéro un. Le froid et la multitude chinoise. Nous avions environ 15 000 hommes, les Chinois 120 000. Et sur ces 15 000 hommes, 12 000 ont été touchés, dont 3 000 tués. 6000 blessés souffraient de gelures graves et nombreux furent ceux qui perdirent bras, jambes, pieds ou mains. Et alors pour l'armement, il faut déglacer les armes pour pouvoir s'en servir. Autrement, tout est bloqué par la glace. À Twin Tunnel, les gens ont commencé à se battre à coups de crosse avec les Nord-Coréens, parce que les coups de fusil ne partaient ni d'un côté ni de l'autre. Un enfer. Ça faisait 3 jours que nous mangeions des rations gelées. Il n'était pas question de faire de feu. Et la neige s'est mise à tomber en fin d'après-midi, au moment où nous avons été relevés par un régiment sud-coréen. Et il a fallu évacuer les blessés. 6 à 12 heures de brancardage, à 6 hommes par brancard, par -30. Nous avons fait prisonnier des Chinois dont les doigts étaient collés ensemble par le froid sur la crosse de leur fusil. D'autres prisonniers avaient les pieds qui tombaient. Ils ne portaient généralement que des chaussures de tennis. Et voilà pourquoi ils convoitaient tellement nos bottes et nos sacs de couchage. Ils portaient ces minces chaussures de tennis et certains des prisonniers nous arrivèrent en marchant sur des moignons ensanglantés et gelés, là où auraient dû se trouver leurs pieds. Laurent Kiesfit. Au 4 janvier, Séoul a été évacué. Le front s'est stabilisé un peu par miracle à 50 ou 60 km au sud de Séoul. Mais en cas d'évacuation de la Corée, on a envisagé très sérieusement d'utiliser la bombe atomique. Au cas où. Il a fallu 2 mois, un mois et demi, pour condamner la Chine comme agresseur. Mais pas tout à fait, parce que ce n'était pas la Chine, c'était une armée de volontaires, sur le papier du moins. Et après de dire, quelles sanctions ? Et en fait, les sanctions étaient symboliques, mais ni les Français, ni les Britanniques n'étaient prêts à prendre de véritables sanctions contre la Chine. Et en réalité, si MacArthur a proposé un plan, et les généraux proposent toujours des plans, et c'est aux politiques de risquer ou non, l'affaire MacArthur, si je puis dire, tient à ce que MacArthur refusait de se taire. Il déclarait beaucoup, et souvent faisait des déclarations tonitruantes, ou était cité par des politiques, parce qu'il y a un courant isolationniste américain avec lequel il est en contact, qui dit notamment, écoutez, laissez-les combattre pour leur liberté, on leur laisse un peu d'aviation, on les aide pour ça, et puis les boys rentrent au pays. C'est surtout parce que MacArthur a eu l'occasion répétée de déclarations tonitruantes, au moment où, au contraire, la diplomatie américaine cherchait à calmer le jeu, qu'il a été... Après tout, il avait fait son travail au Japon. Il était temps qu'il parte, puisque en 52, le traité de paix avec le Japon a été signé. Et donc, en avril, il est remplacé par Ridgway. Ridgway, qui est le général qui a rétabli les situations en Corée. Qui est un colonel qui a sauté sur la Normandie comme parachutiste et qui connaît le terrain, alors que MacArthur a fait la guerre de 14 déjà. Donc, il est beaucoup plus loin et il est dans une perspective, MacArthur, de guerre totale. On fait la guerre, on la gagne. Donc, c'est lui qui a poussé au rollback, c'est-à-dire à la reconquête des territoires communistes. Et on savait par différents canaux que les Chinois risquaient d'intervenir. Alors que Truman et son administration préfèrent le statu quo ante, le retour à la ligne de démarcation, et puis après on discute, parce que déjà le coût de la guerre est énorme et la popularité de Truman est mise à mal. Est extrêmement malaisé à établir parce que les chiffres sont extrêmement divergents. À ma connaissance, on est entre 37 000 et 57 000 morts uniquement pour l'armée des Nations Unies, avec une majorité d'Américains, bien sûr. Je ne parle même pas des prisonniers. On a peut-être 200 000 Sud-Coréens, militaires, 200 000 Sud-Coréens civils, de 300 à 500 000 militaires nord-coréens peut-être, au moins 200 000 civils nord-coréens. Pour moi, je crois que c'est une guerre que l'on n'apprécie absolument pas à sa juste valeur, qui est peut-être l'affrontement le plus important de la guerre froide dans son ensemble, puisque la crise des missiles de Cuba, malgré son intensité, n'a pas débouché sur un combat. En Corée, les deux blocs s'affrontent directement, avec les Chinois, on l'a vu, avec les Américains, sur le terrain, d'homme à homme, mais aussi dans les airs, avec la chasse soviétique, qui, même en uniforme nord-coréen ou chinois, est la chasse soviétique, qui combat directement la chasse et les bombardiers américains, avec des observateurs d'artillerie, parfois, qui règlent leur tir en russe à la radio, avec des unités d'essai soviétiques au sol en Corée du Nord. Donc en fait, il y a eu affrontement direct des Russes et des Américains pendant la guerre de Corée. Personne n'a voulu en parler. Au contraire, tout le monde a tout fait pour ne pas en parler, de peur d'avoir un conflit d'une toute autre intensité. Et peut-être nous ne serions pas là pour en discuter aujourd'hui. Si l'armistice sera signé à la fin de la guerre en 1953, ce n'est qu'en 2007 que la paix et le tracé actuel du 38e parallèle établi. Demain, la suite avec un nouvel épisode intitulé « Immobilisme et mutation ». Cette semaine est mise en onde par Jérôme Nussbaum. On their guard, more than ever before, against this kind of sneak attack. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.